Deutéronome 17, le roi sous la loi. Tu parles même au futur roi. Tu rappelles que le pouvoir a des limites, que la force doit rester sous ta parole, et que l'orgueil mène vite à la chute. Tu demandes au chef d'écrire la loi, de la lire chaque jour de sa vie. Car celui qui dirige sans toi égare le peuple dans la nuit. L'autorité est un service avant d'être une place.